Gomes Dias. Avançado Lorenzo Luca, apontado ao Benfica, neste jornal a análise diretamente de Itália. Carlos Vicente se projeta meia-final da Taça da Liga. Hoje é dia de Sporting Vitória em Leiria. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Minutes et bienvenue à tous et à toutes. Si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 17h comme tous les mardis après-midi. Déjà, bon après-midi à ma compagnie, et puis on va écouter beaucoup de chansons différentes pour vous faire plaisir. Et puis aujourd'hui, pour débuter l'émission, eh bien, un petit coucou et puis un hommage à Pierre Perret qui a quitté tout simplement, eh bien, sa femme le samedi dimanche. Eh bien, pour lui rendre hommage à Pierre Pirot. Voici des chansons de Pierre qu'on connaît très bien. C'est la cage aux oiseaux. Eh bien, on va débuter cette émission-là pour lui rendre un petit hommage à petit Pierrot. Sur Arc-en-Ciel. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants se réveillent, les oiseaux faisant un idée à te coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites-leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage! Mes chères madames, on vous demande au troisième étage. Et des clabignoles au ras le dos tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.

si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi quand je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. diggy diggy bang diggy bang. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Je... Mais que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle, pour être vue les printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasse le cœur de Paris match beaucoup. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem, sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer, je t'aime, e I love you. Sei dizer, je t'aime, e I love you. Do mais bacu, do mais bacu. Sei dizer, je t'aime, e I love you. Do mais bacu, do mais bacu. E hoje a malta portuguesa já só fiz de norte a sul. Do mais bacu, do mais bacu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Do mais bacu, do mais bacu. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Voici donc que je vous laisse avec Mike Brandt et juste avant lui, eh bien, je vous laisse avec deux morceaux de harmonica. Thank you. laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait en printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, oh, oh, l'amour. Chansons différentes et puis elle les connaît très bien. C'est pour Véro, tout simplement. Et bien, je vous laisse avec ces quatre chansons qu'elle aime bien. Avec le premier, c'est Jean-Baptiste Guégan, suivi de Céline Dion, Vita, et la nouvelle chanson de, elle s'appelle Elsa et Smooth. Voilà donc un petit coucou. Je suis un fils du vent, du ciel, de l'océan, né de la terre où dorment mes parents. Je garde mes racines, je vis et au corps, quand mon cœur bat très fort, le pays d'Armor. Quand mon cœur bat très fort, tout le pays d'Armor. Être pêcheur, paysan ou marin, quand je porte en moi ce pays d'où je viens, j'ai dû courir les mers comme un corsaire malouin pour amener de l'or dans le pays d'Armor, pour amener de l'or dans le pays d'Armor. ruisseaux, de granit et de terre, de forêts, de légendes, de landes et de rivières, qui coulent dans mes veines, mon âme et mon corps, être de quelque part, m'a rendu plus fort. Dans ma voix j'entends encore tout le pays d'Armor. Il est fier et sauvage, elle a pleuré. Dans tes différences et ta dignité, indomptable et rebelle, entre vents et marées, il est une femme, mon île au trésor, mon phare. Au pays d'Armor. quelques mots effacés de toi. Moi, moi, je serai plus jamais la même. Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. Sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même. Je vais essayer quand même. Et toi? C'était vrai. Oh, je reste accroché au passé. C'est tellement dépassé. C'est n'importe quoi. Jamais le lien qui nous rassemble. prière pour notre amour, que sa lumière nous éclaire toujours. Dans nos cœurs, à chaque instant, jusqu'à la fin des temps, que dans tes yeux, je vois toujours la flamme d'un amour merveilleux, et pour que nos deux âmes, chaque jour, chaque nuit, pour toujours, soient réunis. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les ondes, plein les oreilles. On continue avec les chansons. Il s'appelle François Feldman et puis juste après Sandra Kim. Rien que pour toi. mes rêves sont brisés. Demain, on devrait s'envoler. Mais je t'aime, qui colle à ta peau. Ça me fait tomber de haut. Dis-moi si c'est vraiment important. Tenir tellement. Première coupe et premier baiser. je t'aime si fort, toi qui me donnes tant de bonheur. Toi mon bonheur, mon aventure, bonheur malgré les blessures. Bonheur comme toi, il n'y en a pas deux qui rendent heureux. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Bonjour, Lauriane Bach. Voici donc qui vient deux titres de elle, tout simplement de la chanteuse. Le premier qui s'appelle Ami Mo, et puis le deuxième tout simplement qui s'appelle Il est temps nous aimons. Voilà donc qui vient les deux titres, et puis juste après du pop. La porte reste ouverte pour plus tard peut-être, car être ami c'est s'aimer tout entier, surtout pas demi, surtout pas moitié, c'est savoir s'écouter, même rire au vent mauvais, aimer les défauts comme les qualités. Et les décuplant nos âges, nous libérons des mailles, faisons les beaux mariages. Il est temps, nous aimons, il est temps, nous aimons, il est temps. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. premier bonheur du jour. C'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. L'étonnante chanson du poète qui a perdu l'inspiration. Venez, allez, venez, on va la chanter ensemble. Je prends ma plume, je la trempe dans l'encre. Je voudrais écrire, mais l'inspiration manque. Mes mots s'évaporent comme neige au soleil. C'est pas comme ça que je vais faire des merveilles. Moi je voudrais écrire l'amour, les rêves, l'amitié. Mais tous mes mots dans mon cerveau restent coincés. Mes vers vacillent comme un poète pourrait. Mes rimes font grève, s'effacent sur le papier. Le laisse désespérément immaculé. C'est pas comme ça que ça va m'inspirer. Réveille-toi esprit, guide-moi. Laisse couler l'encre encore une fois. Laisse l'inspiration m'envahir ce soir. Mot après mot, traçons une histoire. Oh la patte sèche. Cherche une idée dans mon esprit brouillé. Mais rien ne vient, c'est ma plume qui est rouillée. Je ferme les yeux, respire doucement, espérant voir mes mots sous l'aile du vent. Moi j'aurais tant voulu parler de fraternité, de liberté, d'égalité, d'humilité. Mes pauvres neurones sont restés à la fête, et il n'y a plus de mots dans ma tête. Pas plus que d'art est dans une boîte d'allumettes. Tout ça est bien devenu triste en fait. Réveille-toi esprit, guide-moi. Laisse couler l'encre encore une fois. Laisse l'inspiration m'envahir ce soir. Mot après mot, traçons une histoire. Comme des poissons, j'ai rien à faire, j'perds la raison. Une lueur au bout du crayon, j'ai retrouvé mon inspiration et les mots qui courent sur le papier. Te revoilà, esprit, guide-moi. Laisse couler l'encre encore une fois. Laisse l'inspiration m'envahir ce soir. Mot après mot, traçons une histoire. Traçons une histoire. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et puis avant d'écouter d'autres chansons, voici donc la programmation pour ce soir. Et donc, vous allez retrouver à partir de 19h jusqu'à 20h avec Christophe. Et puis, juste après, entre 21h jusqu'à 23h, un autre Christophe. Et puis, pour le mercredi matin, entre 9h jusqu'à midi, avec Victor. Et puis après, je vous laisse avec Gloria, entre 14h jusqu'à 16h. Et puis après, vous écouterez avec Violette entre 18h et 19h30 et puis vous et André entre 20h jusqu'à 23h. Voilà pour la programmation pour le mardi, fin de soirée, et puis ainsi pour le mercredi, demain. Eh bien, je vous laisse avec toujours avec d'autres chansons, Lio, et puis suivra avec Pierre Bachelet, il y aura aussi Richard Consciente, et puis d'autres chansons différentes. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Et la chose qu'on a moins. Alors comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil qu'on avait fait juste pour nous, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, notre pendule peut s'arrêter, le chat te cherche partout, tu t'en fous. Tu veux vivre où je ne vis pas. Moi je peux pas vivre où tu n'es pas. Alors comme ça tu t'en vas, et tous ces mots qu'on s'inventait, câlin matin, câlin matou, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, et cet enfant qu'on devait faire pour qu'il arrive en plein mois d'août, tu t'en fous. L'amour c'est comme un tatouage. Comment veux-tu tourner la page? Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou. Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi et tu sauras l'histoire de ce chien perdu dans la détresse, mais qui retrouve à force d'y croire sa maîtresse. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité, écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai. Alors comme ça tu t'en vas, tu ne réponds déjà plus rien, tu baisses les yeux et puis c'est tout, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, le monde peut bien s'effondrer et moi tomber à tes genoux, tu t'en fous. Si tu n'as plus rien à me dire, qu'il reste au moins des souvenirs. Écris-moi si t'as les yeux fontaines, écris-moi si t'as le cœur caillou. Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi, tu seras la patience de celui qui n'a qu'un seul amour, qui attend dans l'ombre et le silence ton retour. Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité, écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai. Écris-moi, écris-moi. D'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve de super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue, j'ai des sapins, j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, mais tu sais les envies d'aller là-bas, d'être en face et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, je me tire plus. Je viens à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je ne me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je veux que tu viennes me faire coller, me faire je t'aime. Même tu n'es pas là, si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je t'en plus la nuit. Mais tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, d'être en face et visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

to count on you. No other man will do. Come on and touch it. Nobody does it. Who doesn't like you? Together. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. It's a rainy day, yeah, the sun will shine.

bouger. C'est l'heure de vibrer, de tes chaînes te dégager. Rebooste tes batteries avec celle-ci tonique. Un shoot d'énergie pure, une extase atomique. Change de regard sur tout, vois la vie en couleur. Et laisse une douceur infinie inonder tes heures. Écoute, danse et chante la vie à plein poumon. Avec la zic du bonheur qui défie les frissons. Ici c'est ton havre de joie, ton refuge sacré, où les mots font du bien à ton cœur jamais lassé. La mélodie s'élève, un remède puissant contre l'amorosité. Le spleen omniprésent, laisse-toi porter par le rythme, enivrant et fougueux, et sans la joie t'envahir, te rendre radieux. Rebooste tes batteries avec celle-ci tonique. Un shoot d'énergie pure, une extase atomique. Change de regard sur tout, vois la vie en couleur. Et laisse une douceur infinie inonder tes heures. Écoute, danse et chante la vie à plein poumon. Avec la zic du bonheur qui défie les frissons. Ici c'est ton havre de joie, ton refuge sacré, où les mots font du bien à ton cœur jamais lassé. Alors écoute ça avec texte, avec flamme et passion. Laisse la musique te guider, enivre ton horizon. Car elle a le pouvoir immense de nous transformer, de nous rendre plus forts, plus vivants, plus illuminés. Chante la vie à plein poumon. Avec la zic du bonheur qui défie les frissons. Ici c'est ton havre de joie, ton refuge sacré, où les mots font du bien à ton cœur jamais lassé. Souviens-toi toujours de cette mélodie enivrante. Quand le doute t'assaille, que la tristesse t'enchante. Car elle est la clé de la joie, la potion magique qui te rappellera toujours que la vie est magnifique. C'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma

comme un parfum acide. Il n'y aura plus de mirage. S'envole ta sirène, ses rivages. Au lutte d'une cigarette et le rubis du vin en tête. Elles te laisseront plus mise à nu. Solitude à perte de vue. Avec des clairs obscurs, mais a sonné l'heure ultime de son retour aux abîmes. Balayer les mots farouches, le vitriol de sa bouche, envolé de sourire enjôleur de cet oiseau de malheur. Voici donc Natacha Saint-Pierre.

un petit coup de menton. Et puis hop, elle s'en va le bâton. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben, où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Horas no continente e na Madeira, 3 horas nos Açores. A esta hora estão 10 graus no Porto e também em Coimbra, 11, em Lisboa, 13, em Faro, em Ponta Delgada, 16 graus e no Funchal, 17. Começa agora o programa da tarde de terça-feira. Olá, Nuno Rodrigues, bem-vindo. Olá, Karina, viva. A esta hora, quais são as principais notícias? São dois os autocarros com matrícula portuguesa envolvidos num grave acidente esta manhã em França. Pelo menos duas pessoas morreram. O governo português ainda aguarda informações para confirmar a nacionalidade das vítimas. Integrar trabalhadores mais velhos, jovens e desempregados de longa duração no mercado de trabalho são recomendações que a OCDE deixa a Portugal para responder à falta de mão de obra no país. Portugal junta-se ao grupo de países que saíram hoje em defesa da Groenlândia contra as ameaças de Donald Trump. Edição das 4 da tarde na Antena 1 com Nuno Rodrigues. Está confirmado, são dois os autocarros com matrícula portuguesa envolvidos num grave acidente esta manhã em França. Foi um choque em cadeia com cerca de uma centena de viaturas ao início do dia, a sul de Bordeaux, junto à fronteira com Espanha. A Secretaria de Estado das Comunidades dá conta de pelo menos dois mortos e vários feridos, mas não confirma por agora a nacionalidade das vítimas. Os dois autocarros de matrícula portuguesa, Susana Barros, pertencem à Flixbus e à Ovnitur. A Flixbus confirma que um passageiro do autocarro perdeu a vida, vários passageiros ficaram feridos. A Ovnitur diz que foi informada pelas autoridades francesas da existência de vítimas mortais e de vários feridos também e já enviou um representante da empresa para o local. As duas companhias apontam as condições meteorológicas como causa deste acidente. Havia muito gelo na via, a autoestrada A63, na zona de Saint-Germain-en-Laye, na Inlande, em França. Os dois autocarros eram de longo curso da Flixbus, cumpria a rota Paris-Madrid, transportava 43 passageiros no momento do acidente, bem como dois motoristas. As informações iniciais indicam que o autocarro da Flixbus estaria parado quando, para evitar trânsito, travou, tendo sido projetado por o outro autocarro da Ovnitur que atingiu o da Flixbus na retaguarda por terá sido assim o acidente, de acordo com as informações prestadas pela companhia Flixbus. Há 2 mortos confirmados, dezenas de feridos. Não se sabe a nacionalidade, essa informação não é dada pelas autoridades até ao momento. São informações avançadas há instantes em comunicado pelas duas companhias proprietárias dos autocarros envolvidos no acidente desta manhã. Um grave acidente em